Bienvenue au 38e épisode du podcast des Nous. Le podcast des Nous est une présentation des Nous. Vous venez d'entendre la musique Good for Nothing Safety créée par Twin Musicom, dont vous pouvez découvrir les créations au twinmusicom.org. Vous pouvez nous suivre au lepodcastdanou.blogspot.ca, discuter sur le forum lepodcastdanou.probb.fr et nous rejoindre par email au lepodcastdanou@hotmail.com. Voici maintenant la chronique culturelle. Parce que nous autres, on est culturés, man. J'avais vu, il y a de nombreuses années, des extraits de films de Jacques Tati, ce fameux réalisateur, acteur et scénariste, grand monsieur de la comédie française. Je suis curieux depuis des années de vraiment voir ces films, qui ont si bonne réputation. J'ai pu avoir récemment un coffret intégral à un prix abordable et donc m'y suis mis tranquillement. Ce dont je vais parler aujourd'hui. Jour de fête, sorti en 1949. Pour son premier film, je dois avouer avoir été déçu. C'est un film assez particulier. Il existe plusieurs versions. Ce devait être un des premiers films français en couleur, en utilisant une nouvelle technique proposée par une entreprise française à un prix moindre que d'autres techniques venant d'ailleurs. Mais la compagnie s'est rendue compte un peu avant la fin du tournage qu'elle ne réussirait pas à développer le film. Heureusement, le film avait aussi été tourné en noir et blanc par sécurité. Depuis la sortie initiale du film, le réalisateur l'a retravaillé, notamment avec une version partiellement colorisée, avec de nouvelles scènes, entre autres impliquant un peintre en bâtiment qui expliquerait l'utilisation de couleurs. Finalement, avec des technologies plus récentes, on a pu restaurer la version couleur du film, avec des couleurs pas si jolies et une durée un peu moindre. J'ai vu la version originale en noir et blanc pour le moment, quoique la version couleur est inclue aussi dans le coffret. Puisque le film a été pensé en couleur, cela fait perdre un peu, mais cela n'explique pas tout. L'action se passe dans un petit village en région où arrive un groupe de forains. Le personnage principal est le facteur du village. Il prend son temps avec son job, parle avec les gens, les aide, va boire un petit verre. Bref, relax. Le film est séparé en trois parties clairement différentes l'une de l'autre. La première montre le train-train quotidien du village légèrement bouleversé par l'arrivée des forains qui vont installer leur matériel. On a droit à divers petits gags avec le facteur, mais ils sont franchement pas originaux et manquent totalement de rythme, ce qui les rend vraiment pas drôles. Dans la deuxième partie, les villageois profitent des attractions et quelques forains font de mauvais coups au facteur, notamment le faire boire. Hélas, je n'ai toujours pas ri. Les gags sont un peu méchants, mais pas trop, ce n'est pas ce genre de film. Il manque toujours de rythme. La troisième partie nous montre le facteur utiliser divers trucs pour livrer son courrier rapidement. Cette fois-ci, c'est drôle. Sans tout ce qui précède cette partie, la troisième partie n'aurait pas été aussi drôle. Mais on a dû traverser les deux tiers du film pour se rendre jusque-là. Donc, ça officie au final assez moyen. Je lui donne donc une note de 2. Si vous vous souvenez de mon système de cotation, qui est sur 5, je donne 5 à un chef-d'œuvre, 4 à une œuvre qui se démarque particulièrement, 3 à un divertissement honnête, 2 à une œuvre moyenne, 1 à une œuvre mauvaise, et 0 à une nullité, telle que Monsieur Trump. Les vacances de Monsieur Hulot, sorti en 1953. L'action du film se passe dans une pension de vacances où vont les petits bourgeois. Ils remplacent leur vie normale par une vie rangée de vacanciers qui semble plutôt ennuyante. Débarque M. Hulot, un homme un peu excentrique, malhabile, timide. Il provoque de petits accidents, soit directement, comme par exemple dès son arrivée dans le film, en laissant la porte ouverte un peu trop longtemps en rentrant, il crée un gros courant d'air dans l'auberge, ou indirectement, quand, après le son d'une cloche, il regarde sa montre, ce qui entraîne un membre du personnel à faire de même, oubliant qu'il tenait un plateau avec des breuvages qu'il renverse sur un client. Mais ce ne sont jamais vraiment de gros accidents, seulement de petites choses tout au long du film, ce qui fait cette fois-ci un petit film bien amusant auquel je donnerai une note de 3. Mon oncle, sorti en 1958. On y voit une famille de petits bourgeois. Il y a le père qui est un homme d'affaires à la vie rangée. La mère, qui s'occupe de tout, range tout. Il y a aussi leur maison qui caricature un peu certaines modes architecturales. Elle est remplie de machines automatisées. Une maison qui semble assez peu conviviale, sans véritable vie. Il y a aussi le fils qui s'y ennuie. Le père semble aussi par moments montrer des petites pointes d'ennui. Beaucoup de l'humour du film vient des parents et aussi de leur maison. Mais il y a aussi le personnage de M. Hulot qui est réintroduit en tant qu'oncle du fils. Il s'occupe de lui de temps à autre avec plus de liberté. Ce dernier va en profiter d'ailleurs en quelques occasions pour jouer avec une bande de petits garnements. Il y a un certain contraste entre M. Hulot et le milieu, lui et les autres personnages. Le père va essayer de le faire embaucher dans son usine. Mais est-ce que M. Hulot est vraiment fait pour la vie de travail? Le film montre d'ailleurs une vision du travail industriel assez différente de Chaplin, qui semble surtout victime de l'ennui. La mère va essayer de faire rencontrer Hulot à sa nouvelle voisine pour lui créer une vie rangée. Le film a semblé une critique un peu plus élaborée de la société, et surtout cette fois-ci, l'humour semble presque plus venir du cadre que de M. Hulot lui-même, ce qui en fait un film étonnamment excellent, auquel je donnerai la note de 4 sur 5. En 1967 sort le film Playtime. J'ai de la misère à comprendre le foin qu'on fait autour de ce film, qui a la réputation d'être le meilleur du réalisateur. Un autre film avec le personnage de M. Hulot, mais cette fois-ci, il est loin d'être toujours au centre de l'action. Sa présence est souvent assez anecdotique et il y a de longs passages sans lui. Peut-être pour lui donner un côté plus international, le film est bilingue, avec des répliques en français et en anglais et parfois en d'autres langues. Les dialogues sont d'ailleurs assez souvent secondaires, ce qui ne signifie pas que leur utilisation sonore est inutile. Le film est souvent une cacophonie. Plutôt une suite de sketchs vaguement reliés entre eux, l'arrivée des touristes étrangers, M. Hulot qui se perd dans des bureaux, une exposition d'invention, des appartements que l'on voit derrière de grandes vides sans entendre les dialogues, l'ouverture d'un restaurant boîte de nuit qui n'est pas prêt, aurait besoin de terminer ses rénovations, et puis un final fort joli et imaginatif, assez poétique. Les sketchs ont proposé des commentaires critiques sur notre société et un grand travail de style artistique, mais leur construction est tellement artificielle que ça ne marche pas vraiment. Monsieur Hulot manque de punch. En tant qu'acteur, Jacques Tati n'est pas en pleine forme. D'ailleurs, le film en général semble souffrir d'un manque de rythme. Il souffre de longueur. En plus, les gags sont rarement drôles et ne sont pas très nombreux. La partie sur le restaurant s'en sert tout de même bien mieux. Ce film, qui devait être le chef-d'œuvre de Jacques Tati, ne marche pas vraiment pour moi, ni pour le public à l'époque, vu l'échec commercial du film qui a ruiné Jacques Tati. Playtime a tout de même un certain sens du jeu qui est plutôt sympathique et amusant par moments. Quelques grands moments, un certain sens artistique, une certaine profondeur. Donc je donne à ce film une note de 3. Et puis en 1971, il y a Trafic. Donc dans ce film, M. Hulot, un conducteur de camion et une relationniste anglophone, doivent amener un véhicule de démonstration à un salon de l'auto à Amsterdam. Mais ils sont continuellement retardés. Pas tellement par le trafic, plutôt par des ennuis mécaniques et autres joyeusetés. Mais le film est parsemé d'images de gens dans le trafic. J'ai l'impression que c'est plutôt là qu'on doit trouver une grande partie du propos du film. Ce film a une histoire un peu plus construite que le précédent, mais un style, un propos et une mise en scène beaucoup plus simplistes, qui ne voit pas tant en grand. Ce qui fait du sens, puisque si Playtime a acquis une grande réputation depuis sa sortie, Ce fut tout de même un désastre financier dans le temps. Le film joue aussi du bordel, de la cacophonie et du multilinguisme avec les francophones, les néerlandophones et l'anglophone, mais ça m'a semblé mieux dirigé, mieux utilisé en général. Pendant plus de la moitié du film, ça reste aussi mou. On aurait eu besoin sans doute de plus de gags, mais ensuite, le film se rattrape vraiment assez bien, avec quelques grands moments très drôles, entrecoupés de passages sans doute moins épiques, mais tout de même très bien. J'ai passé un très bon moment au final. Donc, je donne à ce film une note de 3. Et puis, il y a eu Parade en 1974. Pour son dernier film, Jacques Tati a tout simplement filmé un spectacle qu'il a monté principalement en vidéo, mais aussi en utilisant de la pellicule. Si j'en crois le court texte de présentation au début. En fait, apparemment, il s'est été tourné en plusieurs fois, donc c'est plus qu'un spectacle. Puisque le film utilise un peu de pellicule, mais principalement de la vidéo, c'est assez moche visuellement. Heureusement, le son s'en sort mieux avec un mixage décent. Le film est tout de même un peu plus qu'un spectacle filmé, de par certains choix, notamment de filmer un peu ce qui se passe autour du spectacle, soit les spectateurs, leur entrée et les coulisses. Cela dénote de son style de son intérêt, en particulier filmer quelque chose d'un peu en désordre, un peu en cacophonie. Certains spectateurs font clairement partie du spectacle et ou du film, vu quelques gags. Le public participe un peu trop, sans les suspects. Bien sûr, ce qui se passe sur scène témoigne aussi de tout cela, avec des gens qui travaillent supposément sur les décors durant tout le spectacle. Le cinéaste travaille toujours le son, et je ne pense pas que les choix de photographie soient innocents. Mais en fait, ce film est un faux spectacle organisé. Certains passages proviennent de tournages différents, sans public, et ce qui a réellement été interprété dans un cirque n'utilise pas qu'un vrai public. Il y a des gens engagés pour en faire partie et participer. Il y a même des photographies grandeur humaine de faux spectateurs. C'est reste de l'humour bon enfant, du niveau du cirque avec clownerie et acrobatie de tout un groupe d'artistes, mettant entre autres en scène Jacques Tati lui-même en pantomime, avec tout de même quelques sons provenant de sa bouche et par moments de véritables phrases. Malgré l'âge, il semble toujours savoir y faire. Le film alterne entre des numéros de cirque avec les artistes et des numéros solo de pantomime avec Jacques Tati. La participation de l'un des spectateurs et sa femme dans un numéro était trop drôle. J'ai beaucoup de difficultés à imaginer que ce n'était pas arrangé. Mais c'est bien le premier moment où j'ai réellement ri. Le film trahit un peu de son âge avec les styles vestimentaires et les coiffures, mais surtout avec un passage musical très années 70. Le bon vieux coup du sketch comique avec les musiciens est toujours aussi sympathique, mais dans l'ensemble, l'humour assez vieillot, sans doute toujours efficace devant un public familial sur scène, mais d'un intérêt douteux pour un film. C'est plutôt ennuyant comme tel, et donc ce film se mérite un 1. À la prochaine.